Oui, je suis jaloux de toi. Je suis jaloux de toi. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Je suis jaloux, jaloux, jaloux de toi. Thank you.